La longueur de la pub, c'est énorme. 700 000 personnes regardent l'émission. Regarde l'émission. Bah ouais, c'est ça. Fabuleux. Bon, qu'est-ce que alors, monte le fion. Allez, Krab, il se réveille. Voilà. Krab is back. Deux vodka et tout est parti. Alors, vas-y. Ok. Alors, bon, c'est qui? Alicia. Oui. Tu vas nous mettre un petit morceau? Ok. Ouais. Alors? Ouais. Bah, écoutez, moi, j'en ai un peu marre de l'électro-boutique gabber, hardcore, machin. Ouais. Ça, c'est les paroles. Nous aussi, ça. D'ailleurs. Je prends le contre-pied. Carrément. C'est pour alors ça que j'aime bien les filles, moi. Et je vais vous passer de la pop. Ouais, vas-y. Ça vous dit? Ça me dit grave. On a envie d'écouter de la pop et du rock. Tout de suite. Mais vous vouliez parler, non? Ouais, on peut. Venez, on parle. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Qui es-tu? T'es hors d'état de nuire, Philippe. Alors tu m'embêtes pas, ok. Qui es-tu, quoi? Non, hey, moi, ce que j'aimerais dire. Oh non, pas toi. Bon, ce soir. Il y a des trucs à dire de promo. À main d'œuvre. Il manque Romain. À main d'œuvre à Saint-Ouen, rue Charles Garnier. Il y a le deuxième jour du festival Anti-Groove avec nos amis DJ Feeds et Cosmo. Il y a pas de bruit carrément. Et Cosmo Vitelli ce soir. Donc après l'émission, on fonce tous là-bas. Okay. Donc on enchaîne sur la musique. Ok. Encore sur toi. Docteur Promo s'est fait censurer. Allez Jess. Ok, bon. Mets-nous un petit son. Le petit non, truc non, de Roussia. C'est Roussia d'abord. C'est le nouveau No Doubt. Non. Franchement, moi, j'aime bien. Vas-y, on rêve de. C'est lui avec Bounty qui est là. Merde, il fallait pas le dire après. Mais ouais, il fallait le dire après. Moi, j'aimais bien la fille, quoi. J'aime bien d'ailleurs la fille, quoi. Ouais, comment s'appelle, comment? Gwen Stefani. Gwen Stefani, elle est super belle. Dans No Doubt. Ah, mais oui, c'est ça, là. On remix avec impatience. C'est. Ok, vas-y, on écoute. On entend bien, là. Ah, ouais. I'm crashing on me for some reason. But your love keeps on coming like a thunderbolt. Come here a little closer, 'cause I wanna see you, baby, real closer. Matching. Accidenti, por favor. Oh là. Rossia, tu nous as fait du bien, Rossia. Ah, merci. Tu nous as fait du bien. Ça déchire bien. Jess, coupe le retour. Ouais, le retour. Je pense que ça fait. Yes. Bon, c'est bon comme ça. Donc, c'était quoi? No doubt. Gwen Stefani, man. No doubt. Une fois, on l'avait vu en vrai de loin. Hubert Ravel était à 10 mètres de nous une fois. Ah, voilà. Je me rappelle. C'est où? C'était beau. On s'est pas lavé depuis. Ouais, moi non plus. On n'est pas lavé. Il est con alors. Bon, qu'est-ce que c'est fait? Il y a Jess qui va nous faire péter un petit disque là, je crois bien. Ouais, je crois qu'il a envie de prendre les platines. Carrément, Jess fait un attentat terroriste sur les platines. Bokra, qu'est-ce qu'il fait, Jess? Il fait un attentat terroriste? Un disco. Un disque à lui? Bah, balance un petit disco. Vas-y. Live, Cassius FM. Señor, señor Beatles. Esta noche estamos Radio Clash. Y toda la gente, hold on tight. What is your new girl like? World, world, speak to me while your lion sleeps tonight. This is Radio Clash. Everybody hold on tight. Jungle fever, boy and girl in the city streets at night. Soul rescue at the function hall, could the word come true tonight? This is Radio Clash. Baby,

moi je me tire. Arrête de mettre bad vibes. Moi je me casse, sérieux, j'y vais moi là. Oh là la darkness là. Et je m'en vais, man. Arrête de mettre la salive là. Ça y est, ça y est. Bon, alors c'est bon. Heureusement que Jess, il a passé des bons disques quand même. C'était quoi tes petits? Alors Jess. Bon, alors il y avait Radio Clash. Bah ouais. Ah putain, j'en ai pas. C'est Clash. Worldy Rapping Good de Tom Tom Club. Ah, c'était ouais. Ça le petit 45 ouais. Tour là. Ok, on s'est d'autre chose. Un tour de reggae, t'as pas reconnu mais... Tom Tom Club. Bah ouais, non, mais justement, c'est pour ça que je me demande. J'ai vu un petit 45 tours avant. Oh là là là là, c'est bon. C'est quoi le petit 45 tours? Si Romain avait été là, il aurait dit un truc hyper bien là. Ouais, mais bon. Ouais, je vais l'imiter. Et alors, c'était un 45 tours, t'as Joe Jackson. Le petit 45 tours, c'était Johnny Osborne. Mais c'était la phase B, c'était la version. Et c'était en 45 ou c'était en 33? Regarde, alors, version, c'était en 45. D'accord. Instrumentale. Instrumental. C'était le dub instrumental unreleased version. Oh là là là là là là, les gars. Bon, encore un petit disque préféré là, non? Là c'est ouais, toi, là c'est le ton disque préféré de ton sac du jour. De ton sac du jour. De mon petit sac. Oh là là, Hubert. Qu'est-ce qui nous a concocté le petit bon bass? Bon, qu'est-ce que c'est fait? On a quand même faire une émission sérieuse. Voilà. Mais ouais, on fait une émission sérieuse. Si, si, si, on fait une émission sérieuse. T'as vu la chippie? Vas-y, envoie le morceau. On zappe. Oh là là là là là. You are Order. Ah, il faut arrêter New Order. Oh là là là là. Eh, il y a, ce là. New Order. C'est franchement le morceau. Carrément. On pourra le dire de Cassius, de la radio Cassius. Ouais, ce sera un des hymnes. Ah ouais, 143 hymnes, mais il sera dans le jeu. On devrait passer encore 3 ou 4 fois. C'est le générique. Vous avez un générique, en fait? Ah, c'était l'intro de Frilla. On a eu à un moment donné un générique de fin, un morceau de trance. Smash TV. Ouais. Sur Beat Pitch Control. On a arrêté un truc, après. Un truc d'allemand super vénère. Yeah. Ouais, en fait, quand New Order. Ok, New Order. Vous voyez les 4 jours de suite. Cachu, sérieux. Qu'est-ce qu'on va écouter là? C'est une disque préférée de Fifou. Non, non, non. De qui? Ah non, mais Crabbe, attends, excusez-moi, non, excusez-moi, c'est assez marrant. C'est la deuxième fois. Crabbe, il a rien compris au système de la table ronde. Ouais. Regarde. Crabbe, la table ronde. Ça va, on va pas faire chacun notre tour non plus. Mais non, c'est ça. Levez le doigt pour parler, s'il vous plaît. Ah ouais, il y a eu 600 appels pour dire qu'on arrête de dire oh là là. Oh là là là là. 4 jours, on dit oh là là, le Mehdi, oh là là. Bon, hey, en parlant d'appels, vous pouvez nous laisser des messages, bien sûr, sur le www.cassius.fm. Ah, yeah. Ben oui, je l'avais pas fait. Le quatrième soir, tu trouves des idées Pedro comme ça. Téléphone, super quand fort. Le site internet, visitez le site internet. Pedro, ouais. Tu devrais aller mettre ton disque préféré là. Le site internet, ouais. Non, bah non, le site internet de Cassius, s'il vous plaît, cassius.fm, ça vaut le coup, ça vaut. Ton on peut en parler entre nous. Bon. Ouais, il est cool. Bien cool. Il est mortel aussi. Il est bien cool. Quoi, vote Même Hubert, franchement, t'aimes pas toi. Non, moi mais là, il est bien cool. Genre pas, mais là, j'aime bien. Bon, on met mon morceau préféré là. Eh, Becra. Tu vas le voir, comme ça tu me diras ce que t'en penses. Tu parles de quoi? Du site, t'as pas suivi? Ah oui, oui, bien sûr. ok, c'était quoi ça? Bon, ça c'était mon disque préféré du moment du sac. Voilà. Poteau Cosmo. Bon, c'est Cosmo, ouais. Vitelli, Party Day, le classique Party Day remixé par le Canadien Akoufen. C'est super beau ça. Ouais, vraiment bien. C'est style. Voilà. Hein, j'ai dit, et bon, c'est calmé Akoufen alors. Ouais. C'est, ouais, mais en même temps, il a fait déjà des. Je vois ce que il a. C'est pas ses prods surdécoupés Todd Edwards style. Ouais, c'est vrai, c'est calmé. Ouais. Calmé. Bon, il a fait d'autres des trucs comme ça. c'est super classe quoi. C'était beau. Hein. C'est super classe et dédicace à Cosmo Vitelli. D'ailleurs, moi j'ai dansé un slow là tout seul. Ouais. Les mecs, il y a excusez-moi. Attends, excuse-moi, Hubert. Quoi. Cosmo Vitelli, quand même, excusez-moi. Ouais. Ouais. Big up à Cosmo Vitelli. Big up déjà à Cosmo Vitelli qui a fait un remix sublime de The Sound of Violence, bien votre sûr. Nouveau single quand même. Oh. Et Pedro, il est parti dans un trip. Putain, Hubert, trouve-toi. Alors, juste Christophe est parmi nous. Alors, Pedro. Non mais va c'est vrai, fond dans la promo. Donc le single The Sound of Violence, le nouveau single de Cassius, The Sound of Violence, ça y est, avec des remix. C'est Jérôme qui nous dit que c'est la pub. C'est la punition. Eh ben justement, c'est de la pub. C'est l'heure de la PC, c'est la pub. Monte le son. Monte le son, c'est Cassius FM. Alors moi je tenais à te féliciter Philippe pour cette jingle. Ouais. Pour ce jingle, t'as assuré quand même. Une bête. On te reconnaît pas carrément. C'est vrai, c'est 2 mois. On voit l'instant triplet, Jean-Jérôme. Ah ouais. Oh. Alors, il faut quand même qu'on parle de cette machine qui nous sauve la vie depuis une semaine. Instant replay. Voilà. Ouais, on en a parlé. Si on est bien content. Pépé, qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, là, on attaque Jess et Crab. Parce qu'en fait, je le signale quand même. Mais ça. Non, mais là, c'est tu dis n'importe seul. Quoi, Pedro. Tu suis pas du tout. Mais c'est pas Joker, Pedro, tu viens de faire. Jess, il a passé 3 disques tout à l'heure. J'allais vous dire, Jess et Crab, un binôme. Et qui, un duo qui est pas scotché. Tout à l'heure, il y a Jess qui nous a fait sa sélection. Et là, c'est au tour de Crab. C'est beau. De nous faire sa petite sélection. Et alors que Falcon en 3 disques. DJ Falcon est là avec un peu de retard. Oh là là. Il est là. Et une ovation carrément. Innovation pour le faucon. Mais c'est fabuleux. Mais ils sont complètement malades. Mais on avait dit émission sérieuse, arrête de crier. Faut parler doucement. Jean-Jérôme a dit qu'on arrête de crier. Dès que j'essaie de faire le... Non, Jean-Jérôme. Oh, qu'est-ce que t'as dit hier? T'es prêt d'être Jack Crab? Oh yeah. Bon, hey, DJ Crab. Cassius FM sur Radio MG. Pascalou, vas-y. Radio Pirate, Cassius FM. Avec un guest exceptionnel, Jesse Crab. Accidenti. Ah, il est bien celui-là. Il est bien celui-là. Buckra. Patrick Adams. Pedro. Oh, pardon. Ovation générale pour Buckra pour ce morceau. Ah ouais, Buckra, ouais. Tu m'as impressionné. C'est vraiment mortel. C'est trop d'honneur. Bravissimo. C'est quoi? Excusez-moi, je suis novice. C'est quoi ça? Bah, c'est une production Patrick Adams. Et en fait, c'est Universal Robot Band Making Love. Oh, ça date de quand? Patrick Adams, qui est comme un vieux pote. Quelle année? Pardon. Non, vas-y. Ah non, mais c'est vrai ou pas? Non, c'est vrai ou bien ou pas? Un vieux pote de. C'est Leroy. Le binôme de Leroy Burgess. Ah ouais! Notre ah nouveau ouais. copain. Oh. Attends, Leroy Burgess qui est en featuring sur l'album. Si c'est bon, la pépé. Oh, la GG. Donc attends, Roussia avait posé une question. Voilà, ça date de quand? Bah, 60... Je te dirai après, mais je crois que c'est 76. Ouais, hein. Mmh. Oh, mon déjà. Bon, et les potes, ceux qui viennent d'habitude et qui écoutent là, vous pouvez vous pointer au studio parce qu'on peine à se remplir là. Okay, mais t'es malade de faire ça. Moi, je me tire. Et j'ai un deuxième disque préféré. C'est mort ce soir, c'est mort. Mais t'as super bad vibe, je me casse. Mais faut pas dire ça. Oh, Philippe, non, allez, reste. Remonte le moral de Fifi Buckra, mais nous. Non, déjà Buckra, le morceau là, c'était fabuleux. Je suis là carrément. Eh, c'est ça, eh. Cassius IFM. Ouais, voilà, tu vois. Cassius FM, du cœuro à la techno. J'ai un message personnel pour Romain. Romain, j'ai retrouvé les disques que t'as oubliés hier. Non, t'en as retrouvé qu'un. Bah, est-ce que t'as aussi retrouvé son vieux slibard? Excuse-moi. Mais l'instant un deuxième aussi ou pas? Bah écoute, tu me dis que non. Vous savez. Ah non, mais si, non. Moi, je sais pas qu'il y en avait si. Bon, bah, Romain, appelle-nous. Excusez-moi, là, vous êtes pas au téléphone tous les deux, là. Il y a 6 millions d'auditeurs qui vous écoutent sur Cassius FM, là. Arrêtez vos conneries. Le MD, ça se trouve, il y en a un autre. Il faut absolument savoir lequel c'est. On voit les watts. Allez, on attaque. Deuxième morceau préféré de Buckra ce soir. Romain, appelle-nous pour nous dire 22 16. Bang Radio Cassius. LP, man, if you went crazy, man, I'm talking about some dope, man. I need to get high right now, man. Why don't you hook me up with a 5-0? I can hook you up with a 12-inch. 12-inch, man, you done went crazy. You don't even know what time it is. Out here on the streets and don't know what time it is, man. You's a fool. Yo, homeboy, you a fool. You don't know what time it is out here messing up your mind. You know what I'm saying? This is Ice-T talking to you, boy. I'ma tell you what time it is. Yo, it's time for me to pump off the volume. No problem, the record's revolving. Evil's the mixer, I'm the rap trickster. Paparazzi's on the bum rush for pictures. Ice, cooling, yo, colder than ever. Punk executioner, he pulls the lever. Rotate the wax, then cut and axe the tracks. Push up the levels till the red light's max. Don't try to size up, you better wise up to the rap criminal. We're on the rise up, we're selling dope till we succeeded. Dope beats and lyrics, no beepers needed. For this drug deal, I'm the big wheel. The dope I'm selling, you don't smoke, you feel. Out on the dance floor, on my world tour. I'm selling dope in each and every record store. I'm the kingpin when the wax spins. Crack a smack or take it to a show end. You don't need it, just throw that stuff away. You wanna get high, let the record play. Oh man, I like this dope here, man. It's feeling alright, boy. What'd you say your name was, man? Coming out your speakers, bass through the bottoms, highs through the tweeters. But this bass, you don't need a pipe, just a tempo to keep you hype. Grooving like I see you doing. So stupid crack, we just ruin your natural high. Why, that ain't fly, and anyone who says it is, lies. Move like I knew you would, like I knew you could. And if you ain't cracked out, then I know you should be able to give me a clap. The match exact with the track, and since I know you ain't, I expect that. Oh, now this jam is lit, it's like the ultimate. People high off dope, but still physically fit. I make $1 million, pack my dough in trucks. I'm selling dope beat, dope rhymes, dope cuts. I'll be the biggest dope dealer in history, cause all the fly will be high off that ice tea. Oh man, you ain't never lied, man. This dope is alright, man. I got to get back with you, man. Let me get your number, man. Elle est bien ta petite galette. I'll bring it to boil, evilly rock it up. You want in, I don't think you got enough. Last suckers cross, syndicate shot 'em up. Cops found them in the lake, bottom up. I don't play when it comes to my dope. I check my lyrics close, like with a microscope. I don't clean them up with no Ivy soap. I leave them hard and pure, hope that you can cope. Cause you might OD if you overdrive. This record tape a CD because the sound I've created on this wax is like a chemical, and the knowledge I give makes me invincible. Oh, Mr. Dope Man, I'm loving you, man. You got it going on, man. What else you got? I got some of that Kumo D. Oh, yeah, man, I want some of that, man. Got some Dougie Fresh. Oh, give me an ounce of that, man. I want that all night long. Got some Eric B and Rakim. Oh, that is some real dope right there. Got some of that LL Cool J. Nah, man, I don't want none of that, man. You keep that, man. Got some Boogie Down Productions, KRS-One. Oh, now you're talking, man. Come on. Public Enemy. Yeah, don't stop, don't stop. Biz Markie. Make the music I'm with your mouth. I'm that nigga in the alley. I'm the brother we need. Oh là là là là là là là là là là. Ah, Hubert. Arrête, Hubert. Les gens ont envie d'arrêter de dire oh là là, Hubert. Eh, Bocra, si je, moi, si on était à l'école des fans, ouais, je lèverais ma petite pancarte et je mettrais un 10, moi. Ah, Bocra, ça fait deux morceaux. Ouais. Moi je suis comme ça, non, monsieur. Deux morceaux à la suite. Moi j'aurais mis 9,5 pour la mauvaise vibe de départ. Oh non. Pourquoi il dit ça? J'ai rien comme fait. Comme ça, moi, je te. Bon, ok. Je suis un malade, moi. Il y a Bobby le Faucon qui a un micro devant lui qui lui tend les bras, là. Mais, hé, Bobby. Alors, DJ Falcon. Oui. Pas dans la. Non, ça marche, t'as pas besoin. Ça marche, on peut te le dire, mon pote. Non. Bon. Ça va ou pas? Ouais, ça va. Eh, hey, Bobby, ça fait deux soirs de suite qu'il vient, DJ Falcon. Ouais. C'est beau. Moi, je dis, c'est beau. Comme Mehdi, deux soirs de suite, Mehdi. Donc, ce soir, tu vas nous mettre aussi une. Ouais, j'ai amené des disques, ouais. Ce soir, je vais amener des disques. Parfait. Tu vas nous faire une petite sélection. En parlant de disques. Et si on écoutait un peu Roussia nous faire un petit mix? Ah voilà, ça c'est bon. Les woman DJ skills. Highlight voilà. de l'émission. Allez. Roussia. Les hommes et les femmes. Soudan, si t'es prête, nous sommes avec toi. Allez. Yeah, allez, oui. Call it. Monte le son. Monte le son, c'est Cassius FM. Dis-nous. Mais t'excuses pas, c'est cool. Mais t'as assuré. Alors, attendez, ça c'est 4. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de règles sur Cassius FM. J'ai le 4, c'est un truc fantastique. En plus, c'est un énorme disque. Laissez parler Roussia. Ça, c'est un disque extraordinaire de Carole King. Il fait de la disco. Ouais. On va laisser parler. C'est un collector. Musique maestra. Casus FM. Disco boogie. Bon, des fois c'est un peu limite, mais bon. Non, non, c'est bien les limites. On aime bien les limites ici. Hors limite. Hors limite. Wouhou. From Kuro to techno, from disco to mambo. Voilà, exactement. Eh bien, la prochaine fois, tu sonneras 500 fois ta langue avant de parler. All right, my friend. Ok, ma friend. Hey, Casus FM, bon, instant replay. Non, Radio Casus, mon pote, là. Ça y est, c'est la pub. On se prend pas la tête avec l'instant replay, là. Bon, après, la pub, c'est ça. J'ai eu mon jingle, DJ Ossia, là. Ah ouais, en fait, t'as eu un jingle. Je vais me fâcher. Ce soir. Non, t'as eu un DJ. Mais comment ça se fait? Bon, on annule tout. Je me casse. Non, voilà, Ossia le fait en direct. Non, moi, je le ferai, moi. C'est DJ Ossia. Allez, la publicité, s'il vous plaît. Publicité d'âme. Monte le son, c'est Casus FM. Et Crabe, tu veux bien partager mon micro avec moi? Ouais. Oh non, tu sais quoi, on se fait un petit caprice tous les deux? Du bec. Oh. Ok les mecs. Tu veux un chewing-gum mentholé, Star? Avec alors, un plaisir, là, enfin. On est dans le super planning. Bah là, dans le super planning, il y a le faucon qui est arrivé. DJ Falcon. Et il veut mettre son disque préféré. Pierre Tornade. À la scène. Dédicace. Vas-y. À trois personnes. C'est beau. Angelica. Ouais. Jeanne. Ouais. Et Tarajé. Oh, c'est magnifique. J'y vais ou pas? Vas-y. Oh, l'enculé. Alors, on a dit, c'est l'heure du rock. Mais quoi, t'es pas un enfant, toi? Mais Jeanne, c'est pas un enfant, mais non? Mais si, c'est un enfant, regarde, Jeanne, c'est une enfant. DJ Faucon, appuie sur la touche play. Excusez-moi, je le dédicace à Pierre Winter. Ah, ça va? Ok. Bon, Bobby. Jess, tu voulais dire un truc, Jess? Non, je voulais dire. Vas-y. On attend du rock, un peu. Ah, ouais, il y a des gens qui ont téléphoné pour Jess, du rock. Jess, il a envie de faire du headbanging. Fais péter. À tous les buveurs de bière. Ouh, Radio Casus. Pour tous les buveurs de bière. Oh là là, du coca qui tombe. Oh là là, ça. Là, ça devient trash là. Hein. Hier. Les bouteilles, elles ont volé là. Hier. Se passe, là. Falcon, hier. Il met un morceau de Metallica. Et tout, ça part en couille. Il y a trois Falcon, morts, le faucon, t'as pas quelque chose à dire là? Ton morceau. Attends, tiens.